Les Poilus, de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Sixième salve. Moi, Yadi. Messieurs, à défaut de la relève, les nouveaux équipements sont arrivés. Ça m'étonnerait, j'ai rien vu. Eh, tant mieux, hein, parce que moi, je clapote dans mes grolles. Soldat Biribi, j'ai vu une gouma avec un casque quadrillant flambant neuf et une cartouchière reluisante. Alors, pas d'insolence. Capitaine, encore une fois, c'est pas une gouma, c'est son cousin. Il arrive tout droit d'un camp d'hivernage où il a appris à avoir froid. Ah bon? Et comment s'appelle-t-il? Une gouma. Donc, il s'agit bien de Ngouma. Dans un sens, oui. Quoi, dans un sens, oui? Ah, père Trouillot, venez à mon secours. Vous voulez pas franchir le capitaine sur Ngouma? Lequel? Le père, le fils, le frère ou le cousin? Un vrai réservoir d'hommes, tous ces Ngouma. Pour conserver un peu de sang blanc, ne jamais ménager le sang noir. Je crois que je vais devenir fou, moi. Moi, Yadi. Toi, Yadi quoi, grain de cochon, là? Tu te moques? C'est bon. C'est pas comme ça qu'on t'a appris à parler au camp d'hivernage de Fréjus, comme toute ta famille. Je suis né au Cameroun, Schutzgebiet. Je peux te faire la discussion en allemand, si tu veux, hein. Merde. Alors, t'es noir, et en plus, t'es allemand. Mais que t'es con, grain de cochon. Tais-toi un peu et laisse parler une gouma. J'aime bien ces histoires, moi. Ça me fait voyager. Vas-y. Je me suis rendu au Sénégal pour intégrer les tirailleurs. Je voulais faire la guerre à mes colons. Vos boches sont aussi mes boches. Ah ouais, quand même. Vous nous prenez tout, quoi. Mais on prend rien, on défend la France. C'est ma patrie. Pour elle, mes frères sont morts au chemin des dames. Tes frères, merde. Ceux de la semaine dernière, ils sont morts. Tes frères sont passés la semaine dernière. Oui, et tu leur as parlé, gros de cochon. Ils t'ont trouvé sympa, même s'ils ne comprenaient pas tout ce que tu disais. Je croyais m'adresser à toi. Oh, t'es quand même pas malin, grand cochon. Ils étaient trois. Ça m'avait semblé bizarre aussi. J'ai pensé à une fuite dans mon masque et que les vapeurs de gaz avaient modifié ma perception. Oh, attention. En tout cas, ce qui est bien, c'est que toi, Ngouma, tu peux danser entre les balles. T'as le rythme. Je sais que si tu continues à dire des âneries, je vais finir par te foncer ton groin dans la gorge. Ah, j'étais pas encore touché. Une balle, je suis touché. Où? Je suis touché, Allen. Montre-moi ça. Bon, mais ça n'a pas l'air trop grave. Pourquoi tu mets les doigts dedans? S'il te plaît, Ngouma. Ne me mange pas! Ne me mange pas! Oh, que si moi, il a dit je vais te manger, il y a bon petit blanc! Je t'en supplie! Oh, t'es vraiment trop con! Il stoppe l'hémorragie! Laisse-toi faire, sinon on t'emmène pas à l'infirmerie! Vous allez vous en sortir. Tenez. Ngouma a eu le bon geste. On apprend à faire ça tout petit quand on est attaqué par un lion. Non, je plaisante. J'ai ri. Groin de cochon, vous pourriez quand même le remercier. Sans lui, vous étiez mort. Ah, d'accord. Alors, merci, Ngouma. Merci de te battre pour la France. J'espère qu'un jour, tu percevras une pension militaire pour service rendu. Et je te vois venir, toi. Tu crois que j'ai fait tout ça pour vous piquer aussi vos allocations, hein? Non, mais vas-y, Franco, aussi. Dis que je suis raciste. Oh, c'est la meilleure, ça. Je me fais insulter par un nègre. Cet afflux de sang noir, je ne dirais pas impur. Dans nos tranchées, c'est un plus. Mais maintenant, imaginez qu'un jour, on vienne dire que la nation n'a dû son salut qu'à des Noirs. Quelle humiliation! C'est vrai, ce serait la victoire du primitif sur le stratège. Ça paraît impensable. Remarquez, la révolution aussi, ça paraissait impensable. Heureusement, l'homme africain n'est pas prêt d'entrer dans l'histoire. Ce n'est pas faute pour l'Église d'avoir tenté de le tirer vers le haut. Le très haut. Sans doute. Et pourtant, je le trouve beau, l'homme africain. Svelte, tout en muscles, charpenté comme un Michel-Ange de marbre sombre. Ah, ça, marrant, c'est ça. Mais il est vrai que dans la guerre, l'Église doit admettre qu'il n'y a ni sexe ni race pour sauver la France. Mais si on pouvait quand même mettre les Noirs en première ligne... Mais c'est ce qui est fait, mon père. Ah, alors tout est bien. Ça ne va pas, capitaine de bord ? Excusez-moi, je sens que je vais défaillir. C'était Les Poilus, de Sigolène Vinson et Yves Ramoni. Sixième salve, avec Olivier Claverie, Alain Fromager, Pierre-Jean Pagès, Didier Brice, Laurent Ferraro, Donatien Guillot, François Hatt et bien d'autres. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Éric Boisset, Jean du Cimetière, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zang.